Chapitre 14. Un sentiment fâcheux troublait cependant le plaisir que j'éprouvais en me livrant à ces méditations. Combien peu de personnes, me disais-je, jouissent maintenant avec moi du spectacle sublime que le ciel étale inutilement pour les hommes assoupis. Passe encore pour ceux qui dorment, mais qu'en coûterait-il à ceux qui se promènent, à ceux qui sortent en foule du théâtre regarder un instant et d'admirer les brillantes constellations qui rayonnent de toutes parts sur leurs têtes? Non, les spectateurs attentifs de Scapin ou de Jocris ne daigneront pas lever les yeux. Ils vont rentrer brutalement chez eux ou ailleurs, sans songer que le ciel existe. Quelle bizarrerie! Parce qu'on peut le voir souvent et gratis, ils n'en veulent pas. Si le firmament était toujours voilé pour nous, si le spectacle qu'il nous offre dépendait d'un entrepreneur, les premières loges sur les toits seraient hors de prix, et les dames de Turin s'arracheraient ma lucarne. Oh, si j'étais souverain d'un pays, m'écriai-je! Saisi d'une juste indignation, je ferai chaque nuit sonner le tocsin, et j'obligerai mes sujets de tout âge et de tout sexe et de toute condition de se mettre à la fenêtre et de regarder les étoiles. Ici la raison, qui dans mon royaume n'a qu'un droit contesté de remontrance, fut cependant plus heureuse qu'à l'ordinaire dans les représentations qu'elle me proposa au sujet de l'édit inconsidéré que je voulais proclamer dans mes états. « Sire, me dit-elle, votre majesté ne daignerait-elle pas faire une exception en faveur des nuits pluvieuses, puisque dans ce cas le ciel est couvert ?»« fort bien, répondis-je, je n'y avais pas songé. Vous noterez une exception en faveur des nuits pluvieuses. » »« Sire, ajouta-t-elle, je pense qu'il serait à propos d'excepter aussi les nuits sereines, lorsque le froid est excessif et que la bise souffle, puisque l'exécution rigoureuse de l'édit accablerait vos heureux sujets de rhume et de catarrhe. » Je commençais à avoir beaucoup de difficultés dans l'exécution de mon projet, mais il m'en comptait de revenir sur mes pas. Il faudra, dis-je, écrire au Conseil de médecine et à l'Académie des sciences, pour fixer le degré du thermomètre, centigrade, auquel mes sujets pourront se dispenser de se mettre à la fenêtre. Mais j'exige absolument que l'ordre soit exécuté à la rigueur. Il est malade, sire. Cela va sans dire qu'il soit accepté. L'humanité doit aller avant tout. Si je ne craignais de fatiguer votre majesté, je lui ferais encore observer que l'on pourrait, dans le cas où elle le jugerait à propos et que la chose ne présentât pas de grands inconvénients, ajouter aussi une exception en faveur des aveugles, puisqu'étant privés de l'organe de la vue. « Eh bien, est-ce tout ? » interrompis-je avec humeur. « Pardon, sire, mais les amoureux, le cœur débonnaire de votre majesté pourrait-il les contraindre à regarder aussi les étoiles ?»« c'est bon, dit le roi. Remettons cela. Nous y penserons à tête reposée. » Vous me donnerez un mémoire détaillé là-dessus. Bon Dieu, combien il faut y réfléchir avant de donner un édit de haute police.